Examen 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Attention, attention, les passagers en partance pour Dakar sur le vol Air France 489 sont priés de bien vouloir se présenter au guichet 45. Merci.